Troisième partie. Une journée bien remplie. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Oh, rien. Je me suis ennuyée. C'est tout. Comment vous vous êtes ennuyée? Je n'ai rien fait. J'ai pris mon petit déjeuner et j'ai pris un bain. J'ai envie de ne rien faire. Vous n'êtes pas sortie? Non. Il fait trop froid. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais déjeuner, je suppose. Et après? En attendant l'heure du dîner, je vais... Je ne sais pas. J'ai envie de ne rien faire.